la lune apparaît, tu peux la croiser en ville. Elle a deux prénoms, un pour la vie, l'autre pour la nuit. Une croix sur ses études, le temps lui a mené la vie dure. Entre le café et la pharmacie, elle a ses habitudes. L'habitude d'être dans le froid, les jambes à l'air. Tout droite dans le noir, on la confondrait avec un lampadaire. Un combat contre la montre, elle danse avec son ombre. Bien trop jeune pour faire le plus vieux métier du monde. Son parfum mélangé à l'odeur d'essence qui l'entoure. Elle se donne le droit de croire qu'elle pourra partir un jour. Elle a laissé ses rêves s'abîmer à quelques rues. Certaines le font par choix, elle ne l'a jamais eu. En rentrant, elle ferme les yeux devant le miroir de l'ascenseur. La nuit, tous les chats sont gris et tous ses clients sont seuls. Ils emportent un peu d'elle quand ils referment la porte. Et des traces apparaissent quand les caresses deviennent trop fortes. Elle est intelligente et drôle, mais pour être honnête, les hommes qui viennent la voir ne sont pas là pour la connaître. Sous la grande ours, elle fait tout pour leur faire envie. Elle doute et quand son maquillage coule, elle dit que c'est la pluie. Bien sûr, elle voudrait être ailleurs, partir d'ici, mais elle est prise en otage par le café et la pharmacie. Cernée, vu que chaque soir est déjà demain, elle a des tonnes de regrets coincés dans son petit sac à main. Les saisons passent. On s'habitue aux angoisses, elle se dit que ça pourrait être pire en regardant le SDF d'en face. Les destins se ressemblent dans le périmètre, elle fait les 100 pas. En restant là, elle a fait des milliers de kilomètres. Souvent, son prince charmant s'évapore comme un mirage. Ils se souviennent pas de son prénom, elle veut oublier leur visage. Des sacrifices pour un meilleur avenir. Si la lune pouvait parler, elle en aurait des choses à dire. Elle a un fils, son petit bout d'âme, son moment de calme. L'étoile qui la guide dans la nuit noire. Elle rejoint aux aurores, après l'horreur, elle se conforte dans son odeur, son cœur et son corps. Il ne sait pas encore, pour son bout de trottoir, il lui donne l'amour qu'on lui donne pas le soir. Elle le regarde dormir, d'un coup elle désespère. Comment lui expliquer où est passé son père? Un jour elle partira, elle amènera au loin, elle fermera une valise, elle a hâte, un beau matin. Elle s'échappera des griffes du périple de Paris. Elle aura une maison, un chien, un château, un mari. Elle s'est promis que tout ça ne durait pas, une mauvaise passe qui s'en ira, oui. Elle croit au miracle, elle en vient presque à oublier qu'elle doit retourner cette nuit entre le café et la pharmacie. Sa mère pense qu'elle est engagée comme danseuse dans un cabaret, mais sa scène fait 2 mètres carrés. C'était la plus belle quand elle était au pays. Elle lui donne des nouvelles, des mensonges bien écrits. Elle fait bonne figure, mais au moment de raccrocher, ça la brûle de lui dire de venir la chercher. Mais elle sait qu'ils sont là, les loups qui la surveillent. Elle voudrait pas qu'ils s'en prennent à sa seule merveille. Nous, on sortait de boîte, dans une voiture, on roulait vite. De la fumée, de la musique, rien qu'entre amis, on voulait rire. On n'avait pas envie de rentrer, et certains avaient trop bu. On savait pas trop où aller, quand soudain on l'a vu. D'un coup, on a ralenti, lorsqu'on est passé au niveau de la pharmacie, juste à côté du café. Mon Dieu, ce qu'on peut être con, quand on est entre potes. On a baissé la vitre, on a crié.